Chapitre 8e, attaque. Cécile parut assez tranquille au dîner à l'aide de Mylord Ernolf, qui se trouvait trop heureux qu'elle voulait bien s'occuper un peu de lui. Mylord Erfort, à son tour, encouragé par son père, tâchait d'attirer à lui une partie de son attention, mais il fut trompé dans son attente. Supérieure aux petites ruses que la coquetterie met en pratique, elle eut soin de lui faire sentir qu'il ne pouvait jamais espérer la décider en sa faveur. À l'heure du thé, s'étant tous réunis une seconde fois, leur conversation ne roula que sur le voyage de Mortimer. On décida qu'il partirait le lendemain matin de très bonne heure, et comme il faisait chaud, qu'il se reposerait au milieu du jour, car on ne pouvait pousser trop loin les soins et les attentions que l'on avait pour ce seul rejeton de la famille. Mais Lady Pemberton, s'approchant de Cécile, lui dit à l'oreille « Je crois, Miss Beverley, que vous vous lèverez demain au moment où la louette chantera, et cela pour votre santé. » Vous savez que rien ne vous convient mieux que de vous lever matin. » Cécile, feignant de ne pas saisir le sens de ses paroles, lui répondit qu'elle se lèverait à son heure ordinaire et fit semblant de ne pas entendre ce que cela voulait dire. À la vérité, elle mit une certaine aigreur dans la réponse qui aurait pu la trahir, mais les choses restèrent là. Milady Pemberton, s'approchant d'une fenêtre, fit signe à Mylord Durfort de la suivre. Cécile entendit qu'elle lui disait « Eh bien, Mylord, votre lettre est-elle écrite ? « L'avez-vous fait remettre ?» Miss Beverley se renchantait d'une pareille galanterie. « Non, mademoiselle, » répondit ce simple et trop crédule gentilhomme, « je ne l'ai pas encore envoyé. Je n'ai encore fait que le brouillon. »« Oh, my lord » s'écria-t-elle, « c'est précisément ce qu'il faut envoyer. Le brouillon d'un cartel est préférable à celui que vous auriez mis honnête. Il paraît écrit dans un moment de vivacité. Je suis enchantée que vous m'en ayez parlé. » Cécile, les ayant joints, dit « Je voudrais bien savoir quelle est la méchanceté dont Milady s'occupe dans ce moment. Nous devons tous nous bien tenir sur nos gardes, my lord, car soyez sûr que pour peu que ça puisse contribuer à l'amuser, elle ne nous épargnera pas. Pourquoi, je vous prie, venez-vous vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ? S'écria Milady, et elle ajouta à voix basse, que craignez-vous ? Croyez-vous que Mortimer ne sera pas capable de faire ce qu'il voudra d'un pauvre idiot comme celui-là ? Je ne crois ni ne suppose rien à cet égard. « Eh bien donc, » dit-elle tout bas, « ne me contrariez pas dans mes plaisirs, je respecte les vôtres. »« Mais Lord Durfort, mademoiselle, » ajouta-t-elle tout haut, « vient de me dire à l'oreille que si vous exécutiez votre projet, il lui serait impossible de vous résister. »« J'espère que My Lord Durfort, » reprit Cécile en riant, « vous connaît trop bien pour ajouter foi à ce que vous dites. »« Parfaitement bien, » s'écria-t-elle, « je vois que vous êtes décidé à me piquer. Si vous renversez mes projets, je renverserai les vôtres. » Et je ferai part à un certain gentilhomme des terreurs que vous éprouvez à son occasion. » Cécile, à ces mots, la pria très sérieusement de ne pas pousser les choses plus loin. Mais sa frayeur ne servit qu'à faire rire Milady, et de l'air du monde le plus malicieux, elle s'écria « Monsieur Mortimer, faites-moi le plaisir de venir ici. » Il lui obéit sur le champ, dans l'incertitude de ce que cet étourdi allait dire. Cécile, dans ce moment, aurait désiré se trouver à 20 000 de là. « J'ai une chose, » continua Milady, de la plus grande importance à vous communiquer. Nous venons de former un plan formidable en votre faveur. Si je vous en fais part, me promettez-vous de vous laisser guider par nous ? Oh, certainement, s'écria-t-il. Si vous en doutiez, ce serait me faire tort. Eh bien donc, mademoiselle Beverley, auriez-vous quelque objection à proposer qui m'empêchât de poursuivre ? Aucune, répondit Cécile, qui eut l'esprit de sentir que l'opposition dans un pareil cas ne ferait que prêter au ridicule. « Eh bien, continua-t-elle, il faut donc vous dire que nous sommes unanimement d'avis qu'aussitôt que vous serez en possession de votre bien, vous fassiez de grands changements à cet antique manoir. » Cécile l'aurait embrassé de bon cœur pour lui témoigner sa reconnaissance, et Mortimer, persuadé que tout ce badinage était de son invention, promit d'être soumis à ses volontés et la pria de lui continuer ses conseils, assurant qu'il ne pourrait du moins avoir un plus charmant architecte. « Ce que nous proposons, dit-elle, peut s'effectuer avec la plus grande facilité. Il s'agit seulement d'enlever ces vieilles fenêtres et de leur substituer des grilles de fer bien épaisses et transformer par ce moyen cet antique château en une prison. » Mortimer rit de tout son cœur d'une pareille idée. Mais malheureusement, son père, l'ayant aussi entendu, fut fort irrité de la manière indécente avec laquelle on traitait ses nobles aïeux et cet antique manoir. Pour éviter tout l'importun bavardage de M. Delville, Milady entraîna Cécile à la promenade, où ils aperçurent bientôt Mylord Durford qui s'empressa de venir les joindre. « Miss Beverley, s'écria-t-il, voici votre soupirant. Je ne me promènerai plus avec vous que jusqu'à ce grand chêne, où l'obligeant à se prosterner à vos pieds, je vous laisserai ensuite seule. Vous êtes trop bonne, milady. Je vous suis obligé de m'avoir prévenu de votre dessein, puisque cela me mettra en état de vous éviter cette peine. » Elle retourna précipitamment en arrière et passant devant Mylord Durford, qui continua à s'avancer vers Milady Pemberton, elle se rendit au château. En entrant dans la salle, elle trouva qu'il n'y avait plus personne que Delville qui se promenait en tenant ses tablettes sur lesquelles il venait d'écrire. La honte et la surprise que Cécile éprouva à sa vue la fit reculer sans s'en apercevoir. Elle pensa se retirer quand celui-ci, s'approchant tout à coup de la porte, lui cria d'un ton de reproche « Quoi ? Vous ne voulez pas même entrer dans une chambre où je me trouve ? Pardonnez-moi, répliqua-t-elle. Je craignais de vous déranger. Non, mademoiselle, répondit-il gravement. Vous êtes la seule personne qui ne puisse me déranger. Je m'occupais à tracer le brouillon d'une lettre que je vous destinais. Je n'aurais pas pensé à vous écrire si vous eussiez daigné m'accorder l'entrevue que j'avais pris la liberté de solliciter. Cécile, extrêmement confuse d'une pareille ouverture, ne savait si elle devait s'arrêter ou s'éloigner. Mais voyant qu'il continuait la conversation, elle crut qu'il ne convenait pas de le quitter dans ce moment. « Je serai au désespoir de partir, mademoiselle, et d'emporter avec moi la certitude de vous avoir déplu, sans avoir cherché à justifier ma conduite. Faut-il donc que j'achève ma lettre, ou daignerez-vous enfin me faire la grâce de m'entendre ? Je ne veux que vous expliquer ce qu'il y a de mystérieux dans ma conduite, et vous demander pardon pour ce qui a pu vous paraître condamnable. » Cécile, un peu revenue de sa première émotion, et piquée du calme avec lequel il lui parlait, ne s'opposa plus à ce qu'il exigeait. Et lui laissant fermer les portes, elle s'assit près d'une fenêtre, décidée à écouter patiemment une explication si longtemps attendue. Les précautions cependant qu'il avait prises pour n'être pas entendu, et l'attention que Cécile semblait lui promettre, parurent le déconcerter un peu. Rien de tel que de faire une bonne contenance à quelqu'un qui cherche à se rendre maître de vos pensées. Il dit enfin, après avoir beaucoup hésité, « Cette bonté de votre part, mademoiselle, mérite de la mienne la plus vive reconnaissance. » J'avais peu de droits, et encore moins de raisons de l'espérer, après la sévérité que vous m'avez témoignée. » En prononçant le mot de sévérité, sa fierté blessée lui rendit tout son courage, et il continua avec autant de fermeté qu'il en avait montré en commençant. « Je ne me plaindrai point de cette sévérité, au contraire. Dans une situation telle que la mienne, c'est peut-être la plus grande faveur que vous puissiez me faire. Il est certain qu'elle m'a procuré des consolations plus efficaces que celles que la philosophie, les réflexions ou le courage auraient pu m'offrir. Elle m'a prouvé l'inutilité qu'il y aurait à me plaindre des obstacles que la destinée a mis au succès de mes vœux, en me faisant voir que s'ils n'eussent pas existé, j'en aurais rencontré d'autres non moins insurmontables. Je me suis donc décidé, après des efforts pénibles, à me refuser même la douceur dangereuse de votre société, et c'est par l'absence et les voyages que je vais oublier, s'il est possible, le plaisir qu'elle m'a fait éprouver. « Cette tâche, monsieur, s'écria Cécile, vous sera facile. Puisse le rétablissement de votre santé ne pas rencontrer de plus grands obstacles. Ah, mademoiselle !» repartit-il avec un sourire forcé et d'un air de reproche, on plaint faiblement les maux qu'on n'a jamais éprouvés. Je ne prétends ni offenser votre délicatesse, ni douter de votre sensibilité naturelle en ma faveur, non. Ce ne sont point de pareils motifs qui m'ont porté à vous demander ce moment d'audience, mais uniquement le désir, avant de m'arracher de ce lieu, de vous offrir mon cœur et de vous découvrir toutes mes pensées. » Il s'arrêta un instant, et Cécile, voyant qu'il ne s'était pas trompé en regardant cette entrevue comme la dernière, réfléchit qu'elle serait courte et rappela toutes ses forces pour la soutenir avec courage. « Longtemps avant que j'eusse l'honneur de vous voir, votre caractère et vos perfections m'étaient connus. Monsieur Biddulph de Suffolk, le premier des amis que j'ai fait à l'université d'Oxford, et avec lequel mes liaisons subsistent encore, s'était aperçu de bonne heure de tout ce que vous promettiez. Ses lettres étaient pleines de vos éloges. Il m'avait avoué son penchant pour vous et le peu de succès de ses démarches pour vous obtenir. Hélas, je pourrais à mon tour lui faire le même aveu. Monsieur Biddulph, ainsi que plusieurs autres gentilshommes du voisinage, avaient en effet recherché Cécile. Il avait fait des ouvertures au doyen qui, de la vie et à la prière de sa nièce, les avait rejetées. Lorsque M. Harel reçut des masques chez lui, continua Delville, la curiosité de voir une personne dont on disait tant de bien m'y conduisit. À votre habillement, je n'eus aucune peine à vous distinguer. Ah, Miss Beverley, je n'oserais vous exprimer tout ce que j'éprouvais alors. L'exemple de mon ami se présenta à mon souvenir, et je sentais qu'il ne me restait d'autre parti que la fuite, connaissant surtout la clause du testament de votre oncle et la manière de penser de mon père. « Enfin donc, » pensa Cécile, « toute incertitude cesse. Le changement de nom est l'obstacle qui le gêne, comme s'il était impossible de faire entendre raison à son père sur un pareil article. Il a hérité de la fierté de la famille. Eh bien, je l'abandonne sans regret à cette même famille. » J'ignorais encore, reprit-il, toute la vivacité avec laquelle je révérais vos vertus jusqu'au moment où vous daignâtes me parler en faveur de M. Belfield. Mais il est inutile que je rappelle ici les sensations que j'éprouvais dans ce moment. Elles étaient bien différentes de ce que je sentis lorsque vous m'eût appris que les bruits concernant le chevalier Floyer étaient aussi peu fondés que ceux qu'on avait répandus sur M. Belfield. Oh, quelle ne fut pas mon agitation lorsque je vous suis libre, lorsque... Le désordre de mes sens ne découvrait que trop l'erreur que j'avais nourrie. Cécile alors, seulement à moitié, et se ressayant ensuite, parut pressée de s'en aller. « Pardonnez, mademoiselle, s'écria-t-il, j'aurai bientôt fini. Je vous ai retracé mes sentiments et mes peines. Je vais me hâter, autant pour moi que pour vous, de vous exposer les raisons qui m'ont porté à rompre le silence. Dès le moment que ma malheureuse passion m'a été connue, j'ai pesé et senti le danger qu'il y aurait à m'y abandonner. Et j'ai trouvé qu'outre l'incertitude du succès, il y aura même de l'inconvénient à vouloir le tenter. Mon honneur est attaché à celui de ma famille. Ce qui, pour un autre, serait un faible obstacle, deviendrait chez moi un crime impardonnable. Et cependant, tant de motifs réunis en faveur d'un objet contre lequel on ne peut former qu'une seule objection. Tandis que la vertu, la beauté, l'éducation, la naissance sont sans reproche. Oh, trop fatale condition, qui me défend d'aspirer à la plus excellente des femmes, sans commettre une action qui me dégraderait à jamais aux yeux de tous mes parents. » Il s'arrêta, son émotion l'empêchant de continuer, et Cécile se leva. « Je vois, mademoiselle, votre empressement à me fuir. Je vous dirai donc, pour finir, que je pris le parti de vous éviter, de tâcher de vous oublier. Je me suis bien promis de cacher à tout le monde, et surtout à vous-même, la passion malheureuse dont j'étais dévoré. Et si ma prudence et mes soins pour cet effet n'ont pu résister quelquefois à la surprise, au premier mouvement, je n'ai cédé que pour le moment, et je crois que personne ne s'en est aperçu. J'ai soutenu avec décence et avec fermeté ce silence et cette privation, jusqu'à l'orage où je crus vous voir en péril. Alors, n'étant plus sur mes gardes, mon amour se réveilla, et la tendresse triompha. « Eh bien, monsieur, s'écria Cécile avec humeur, à quel propos me dites-vous tout cela ? « Hélas, je n'en sais rien, » répondit-il avec un profond soupir et d'un air entièrement déconcerté. Puis l'ajouta en balbutiant, « Je vous ai raconté mon histoire. Votre discernement vous en indiquera sans doute mieux le but. Peut-être votre bonté et votre indulgence vous feront trouver quelque excuse qui me sera favorable. » Trop convaincu, depuis ce fatal accident, que toute feinte était vaine, et certain par votre mécontentement de la conséquence dont je m'étais rendu coupable, je résolus, ne pouvant vous offrir d'autre satisfaction, de vous ouvrir mon cœur et de m'éloigner ensuite peut-être pour toujours. Je me suis gardé de vous parler de mes souffrances, je ne l'ai pas osé. Oh, si je vous peignais les combats pénibles d'un cœur en contradiction avec lui-même. Le devoir et la raison luttant contre l'amour, le bonheur et l'inclination. Vainqueur et vaincu tour à tour, il m'a été impossible de soutenir plus longtemps un pareil choc des passions. J'ai voulu qu'un dernier effort mît fin à ces calamités, et j'ai mieux aimé endurer un moment les peines les plus cruelles que continuer à être la proie d'une passion qui me domine. Le rétablissement de votre santé, monsieur, et celui de votre félicité, que vous supposez avoir été interrompu, lui dit Cécile, seront, j'espère, aussi prompts que certains. « Que vous supposez avoir été interrompu ? » répéta-t-il. Cette phrase après un aveu tel que celui que je viens de vous faire. « Mais pourquoi désirais-je de vous convaincre de ma sincérité ? Elle vous est indifférente. Il ne me reste qu'à vous demander pardon d'avoir abusé de votre patience et à vous réitérer mes remerciements de l'effort pénible que vous avez fait pour m'écouter jusqu'au bout. Si vous daignez m'honorer d'un peu d'estime, répondit Cécile, ce sera peut-être à moi de vous faire ces remerciements. Dispensez-moi cependant. Il m'est impossible de m'arrêter plus longtemps. Je n'ai pas la présomption, s'écria-t-il fièrement, de vouloir vous retenir. Jusqu'à présent, vous avez pu me croire souvent mystérieux, quelquefois singulier, capricieux et presque toujours sans caractère. Tout ce que je désirais était de me justifier de ces imputations par une confession franche des motifs qui m'ont déterminé. Une fois, il est vrai, il me semble que cela n'est pas arrivé plus souvent, vous m'avez cru impertinent. Et c'est de quoi je dois le moins me justifier. Cela est inutile, monsieur, dit-elle en l'interrompant et s'avançant vers la porte. Toute autre justification est superflue. Je suis très satisfaite. Et si mes vœux en votre faveur peuvent vous être agréables, soyez certain que j'en fais de très sincères. Que cela est cruel et insultant, s'écria-t-il de façon à être à peine entendu, et se pressant d'aller lui ouvrir la porte. « Allez, mademoiselle, » ajouta-t-il, son saisissement lui ôtant presque la respiration, « et puisse votre bonheur régaler votre insensibilité. » Cécile allait se retourner pour répondre à ce reproche, mais la vue de Milady Pemberton qui entrait par l'autre porte la décida, et elle sortit, rendue à elle-même et se voyant déchue de ses espérances. « Le sort, » s'écria-t-elle, en est enfin jetée. Delville lui-même consent à m'abandonner. Son père ne le lui a point commandé. Sa mère ne s'en est pas mêlée. Il n'eut besoin d'aucune exhortation. Cependant, ma famille, dit-il, condescendance bien flatteuse. Combien l'amour, qui cède à une seule difficulté, doit être faible, et que cet orgueil, que rien ne saurait dompter, doit être fortement enraciné. Eh bien, qu'il garde son nom, puisque son influence a tant de pouvoir sur son âme. Quelle vanité, quelle présomption de ma part d'oser supposer que ma personne peut le dédommager d'un si grand sacrifice. » C'est ainsi que son ressentiment soutenait son courage. Elle voyait arriver, presque sans répugnance, le moment du départ, et se sentait capable de le supporter sans le moindre murmure.